à 8, est-ce que, qu'est-ce que, quel est. Hal, maza, ma. Écoutez et répétez. Est-ce que c'est vrai? Hal hadha sahih? Est-ce que c'est possible? Hal hadha mumkin? Est-ce que c'est difficile? Hal hadha sa'b? Est-ce que ce taxi est libre? Hal hadhihi taxi hurra? Est-ce que ce téléphone fonctionne? هل هذا الهاتف يعمل؟ Est-ce que vous avez... هل عندكم... Est-ce que tu es occupé? هل أنت مشغول؟ Est-ce que tu la connais? هل تعرفها؟ Qu'est-ce que vous faites? ماذا تعمل؟ Qu'est-ce que vous dites? ماذا تقول؟ Qu'est-ce que vous buvez? ماذا تشربين؟ Qu'est-ce que vous préférez? ماذا تفضلين؟ Quel est votre avis? ما رأيك؟ Quel est son nom? ما اسمه؟ Quel est son métier? ما هو عمله؟ Quelle est votre fonction? ما هي وظيفتك؟ Quel est ce bruit? ما هذه الضجة؟ Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Qui est-ce pour un homme? من هذا؟ Qui est-ce pour une femme? من هذه؟